Sorry. Have fun. Réparer mes erreurs. erreurs. Je serai toujours à l'heure. J'offrirai peine de fleurs. Santé. Et fraîche. Yes.